Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une idée cadeau pour petits et grands. Le Muppet Show, une série télévisée américano-britannique en 120 épisodes de 24 minutes créée par Jim Henson et diffusée en France à partir de 1977. Doublée par les talentueux comédiens Roger Carrel, Micheline Dax, Gérard Hernandez et Pierre Tornade, les personnages de Kermit la Grenouille, Miss Peggy ou Gonzo vous ont fait hurler de rire. Découvrez ou redécouvrez cette série mythique qui n'a rien perdu de sa verve satirique et qui nous permet également de retrouver de nombreuses personnalités telles Charles Aznavour. Christophe Gale, levez le rideau dans 15 secondes s'il vous plaît. Oh merci Scooter, tu veux me faire plaisir et me donner la réplique? Mais bien sûr. Christophe Gale, levez le rideau dans 15 secondes s'il vous plaît. Merci Scooter, tu veux me faire plaisir et me donner la réplique? Remarquable. Je n'ai rien compris non plus, si ça peut vous aider. Et voici le Muppet Show avec notre invité du jour, Crystal Gale. Vous allez vous dire au revoir en coulisses. Le Muppet Show, la saison 2 en DVD, un cadeau pour toute la famille, signé Disney. Pourquoi t'as invité tous ces pingouins? Parce que les otaries avaient la grippe.